بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد والأهل والصحبه ومن ولا، أما بعد، ما معنى البطاقة الشخصية؟ مقدما الدفع الاستقبال خدمة نعم أقام يقيم عمال شخص اليوم يعني الرابع كده طيب كان ينبغي أن تكتب الأعداد بالحروف كتابة صحيحة كم درسا ستكتب سأكتب خمسة درسا سأكتب كم خمسة لا إلى ما فعل به خمسة الآن C'est bien, Kimon. Il n'y a pas mial. Mia, pas mial. Comme ça. C'est tout beau. Comme ça, Tim. Ma foule bi. Kif. Comme ça, Tim. Ma foule bi. Mal haraka, c'est quoi la haraka de ma foule bi? C'est la kasra. La kasra. Raïtu Mohammedin. Qu'est-ce que tu dis? Ah, subhanallah. خمسة درس لا خمسة درس درس اللي مضاف إليه زي كده الأمثلة سأقيم أربعة أيام اللي هي الأمثلة هي الفتحة ثانيا كم كتابا ستقرأ سأقرأ ثمانية كتاب جم كتبين et l'autre pareil on a dit quoi on avait درس c'est دروس hein c'est un جم aussi de 3 à 10 c'est un pluriel qui vient pluriel مضاف إليه ثالثا كم كيلو ستشتري سأشتري عشرة جم كيلو جم مؤنث سالم كيلوني جم مؤنث سالم تكو واجد كو جم المؤنث السالم طيب أي كيف تقول كيلو مش عارف كنت عندي كيلو كيلو يرجوت تنلغ rien là كيلو il a comme il rajoute un alif un ta كيف تقول كيلو لا كيلو كيلوات ايوه تنجوس alif un ta لا نعم رابعا كم ريالا ستدفع ريالات نعم عاشرا وخامسا سلمان تذكر اسم مؤنث كم نافذة أو بيتو نو أليكسندر كم حجرة في الفندق

لا t'avais dit la bonne réponse juste avant. Là, après. Là. Naam. Naam. Mais là, c'est Eh ben oui, bah, Arba, elle est masculine. Hein. T'as tout compris. Mia, elle est masculine ou féminin? Mia, elle est féminin. Bah, donc, Arba, oui, masculin. Il y a un nouveau. Toyeb. Ça, dit ça C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je أكثر من ألف من ألفين مسلمين من ألفين مسلمين لا سبا ألفين ألفين ألفين ألفين مضاف ثامنا عند إبراهيم إحدى عشرة ولدا لا ماذا إحدى إحدى. لا إحدى في منا إحدى من أحد عشر نعم أحد عشر أجل مودي عن فخير بوكسا إما دي بادي تبدي تبدي تبدي تبدي تبدي تبدي تبدي تبدي تبدي تبدي تبدي تبدي تبدي تبدي تبدي تبدي تبدي تبدي تبدي تبدي تبدي تبدي تبدي تبدي تبدي تبدي تبدي تبدي تبدي تبدي تبدي تبدي تبدي تبدي تبدي تبدي تبدي تبدي تبدي تبدي تبدي Je vais pas montrer la phrase. C'est ça. Il me dit 11, 12, 13. Il me dit ouais, tu peux. T'as pas vu la phrase, il n'y a personne ta question, je pense. T'as Asian Fils Sana. Fils Sana. 12 ou 20 12. Non, ouais, 12. Moi, je sais. Isna. Isna. إثنى عشر نعم إثنى عشر شهرا كيف prennent quoi les c'est ça que je veux savoir à la fin là c'est quoi c'est à la fin des la harakat de la dernière lettre c'est quoi c'est quelle lettre de quel mot des chiffres de 11 à 19 ils sont tous avec une fatha tout le temps عاشر في الساعة ستون دقيقة نعم عادي عشر في الدقيقة ستون نعم ستون ثانية ثانية سين سكون Ah bah c'est Fania c'est une deuxième, là ça veut dire une seconde. Ashiran istardim kul kalimatin min kalimat al-atiya fi jumlatin mufida. Munasib. Non. هذا السلاح مناسب لك. وانت ماذا كتبت؟ C'est quoi, on l'a appris au début du texte. Hein? On l'a appris déjà. Non, t'as dit, ouais, on connaît. T'as dit, ouais, c'est le ism-fa'il. Mais moi, j'ai pas compris ce que c'était. La correspondance, c'est là. Dans le texte, je l'ai traduit. Et on a appris, c'est-à-dire quoi, nasabu yonasibu. C'est convenir, correspond. Ah, ouais? Mais là, moi, je sais pas, c'est quoi le nasib. C'est quoi? C'est celui qui paye? C'est celui qui. C'est quoi? C'est... Je T'as écrit quoi, toi ? Al-Munasib. J'ai. Al-Munasib, Zayna Krita, Salim. Je voulais dire dans la correspondance, mais je sais pas si c'est bien. Non, c'est pas ça. Un munasib, c'est convenable. Chose qui convient. Thanyen, as'ar. Kullu as'ar. Kullu as'ar fi hadha dukan hiya maktouba. طيب وانت اسعار الكتب اسعار الكتب اسعار الكتب تكلفوا 50 ريال تكلفوا 50 50 ما قول به Je comprends pas les chiffres. Je comprends pas les chiffres. Non, c'est pas les chiffres. Ça t'arrive souvent de faire ça. T'as pas compris une chose et après tu l'englobes. Ça sert à rien avec les chiffres. Mais on n'a pas mis les chiffres pour que tu comprennes qu'après tout cas, c'est ma faute billet qui vient. Et ma faute billet est mon sou. Et après, on a pris certains signes du nos. Ça peut être la fatha. D'origine, ça peut être la kasra quand c'est Jam Onas Salim et que c'est un ya quand c'est un Jam Zakar Salim ou ce qui ressemble. Allez, Mukaddaman. Andak Mukaddaman, on a oublié Hassan et Taf. Ça, Hassanan. عملوا في بيتي تظن الخاد هذا خبر قلنا لقيت le mettre dans le texte comme est le nom général au début de phrase genre comme si c'était une réponse عملوك يكون حسن نعم طيب كذا وانت Là, dans la phrase, le Hassan, il n'y a pas d'utilité de le mettre. Par contre, si tu dis par exemple, l'employé dit Koddim, Jawes Safar, à quelqu'un, lui répond Hassanen et lui donne comme réponse toute seule. Al-Dafa. الذي يدفع الدفع والدافع ما شاء الله في لوجيك طيب ايه انت الدفع بالبطاقة سهل لكن محرم محرم سهل في جملة صحيحة عمل فيها خطأ اصلا اللي في بعض احوال ضروره لكن اصلا هو محرم لان معناه انك تدفع بالبنك طيب مقدما اعطيني الفلوس مقدما نعم مقدما بالفتحه وانت درس مقدما نعم جمله غير مفيده حتى دون un verbe. مقدما c'est une chose qui te décrit par rapport à un verbe. القطار. أيوة. القطار مقدما. لا. القطار. Il faut un verbe. Le train est en avance. Ah mais là, en arabe, tu n'auras pas de verbe dans cette phrase-là. Là, tu as obtenu un khabar. Nous, une phrase, dedans, il y a un verbe obligatoire. Comment c'est dans le sens-là? Hein? مقدما لمنصوب لا إلى منصوب

أولا استميح وردد. Donc il pose la question avec la réponse par rapport à l'heure. يقول كم الساعة الآن؟ Quelle heure est-il maintenant؟ الساعة الآن الواحدة تماما. Donc l'heure actuellement est une heure pile. Nous, on ne va pas répéter l'heure actuellement chez nous. On va dire, il est une heure. Pile, مثلاً. الواحدة, en fait, c'est la première en arabe. Vous voyez ? Ça vient par la première, mais nous, on va dire une heure directement. Mon arabe, c'est la première. La première heure, en fait. ثالثاً, كم الساعة الآن ? Quelle heure est-il maintenant ? يقول, الساعة الآن الثانية تماماً. Donc là, c'est, il est exactement 2 heures, ou les 2 heures pile. Pareil, il va dire à 5 heures pour dire la deuxième, mais nous on dit 2 heures directement. Je crois que c'est difficile de l'entendre. Mais avant, vous voyez la quoi ? De l'hammam ? Oui. Khamisan, as-sa'atu al-an, afwan, as-sa'ala wal-an, as-sa'atu al-an, il n'y a pas de sa'ala. Non. Ah, c'est moi, Wahint, j'ai inventé une question, on n'a pas. الساعة الآن الثالثة تماما. Il est 3 heures exactement. Au pile. سادسا الساعة الآن الرابعة تماما. Il est 4 heures pile. سابعا الساعة الآن الخامسة تماما. 5 heures pile. ثامنا الساعة الآن السادسة تماما. 6 heures pile. تاسعا الساعة الآن السابعة تماما. 7 heures pile. عاشرا الساعة الآن الثامنة تماما 8 heures pile. الساعة الآن التاسعة تماما 9 heures pile. ثاني عشر الساعة الآن العاشرة تماما 10 heures pile. Donc là il vous donne les heures rondes 100 minutes. Vous voyez, pour dire une heure c'est الواحدة 2 heures الثانية 3 heures الثالثة ainsi de suite. أين عاصم؟ الساعة الآن الحادية عشرة تماماً. إلى 11. رابع عشر الساعة الآن الثانية عشرة. 12. Mais n'oubliez pas, comme je le répète, de 11 à 19. Que ce soit des chiffres définis comme 11 ou le 11 ou le 11e Hadi Achar, ils prennent tous une fatha tout le temps. Al-Adad al-Murakkab, c'est celui qui a de 11, c'est les nombres composés en fait. Si on a de 11 à 19, il est composé de deux parties. Vous voyez, qui est un nombre et après 10. Et les deux, ils prennent une fatha. Tout le temps. Et le premier des deux, à partir de 13 à 19, il prend les mêmes règles que de 3 à 10. C'est-à-dire le premier nombre, il va s'opposer au dénombré. Par exemple, 13 hommes. Comment tu vas dire ? Salasta achar rajulan. Salasata, tu vas dire. Parce que rajul, il est muzakkar. Par contre, achar, lui va suivre le dénombré. Tu vas dire achar. Hey, ouais. C'est un vrai millimélo. Ça y est, ça revient inch'Allah dans le livre, parce qu'ils vont pas le traiter dans le livre, mais juste pour vous le dire, peut-être vous éclaircir dans ce qui a pu venir. Donc là, en fait, Hadi, là, par exemple, Hadiata, Asharata, c'est la 11e heure. C'est 11e heure. Mais là, c'est à partir de 13, pas à partir de 11, ça commence, c'est vrai. C'est comme les autres, c'est à partir de 3 que ça commence. Ouais. Là, il suit, tout suit. Mais à partir de 13, c'est-à-dire de 3 à 9, il s'oppose à lui. Voilà qui est Rachara, à partir de 13. Il prend 6, c'est par exemple Salisata. Mm-hmm. C'est ça ? De quoi ? De quoi ? La 13e heure, par exemple. La 13e heure ? Salisata. Salisata. Asharata. Asharata. Non. Le Ashara, il suit le dénombré. Il le suit. Et ça a un moins de neuf. Donc Ashara est moins de neuf. Par contre, ça a l'état, il est tout d'accord.